visage. Y'a plus rien de tout ça. Ça sent le vide en moi. Au travers des se suivent, y'a plus rien de tout ça, ça sent le vide en moi, au travers des histoires, les vraies, les fausses, qu'on ose y croire, au travers des chemins, ce qu'on imagine, mais qu'on a besoin.